Alors, on est toujours sur la manif de Rouen, et puis je suis avec... Fabrice. Fabrice, donc toi, tu es à Le Grand Normandie. Tu peux nous expliquer ce que c'est déjà, la boîte? C'est une usine d'appareillage électrique. Et moi, je suis magasinier Caris. Je travaille au magasin. Okay. Et donc, tu es toujours dans la rue après 37 jours de grève? Et oui, moi, je suis dans le privé. Donc, je suis concerné par la réforme des retraites. Même si on entend moins parler des privés. Mais je suis là depuis le début. Avant, j'étais gilet jaune et maintenant, je suis dans les manifs des retraites. Bah, c'est vrai que dans le privé, en fait, il y a eu toutes ces questions qui ont été soulevées parce que le privé, c'est plus compliqué de faire grève, apparemment. Toi, tu es là depuis le début. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout à fait. Nous, on est anti-syndicat. Donc, dans les premières manifs, il y a eu pas mal de mobilisations. Il y a eu à peu près 50% de ma boîte qui a été en grève. Et là, au fil du temps, il y a moins en moins de personnes, quoi. Mais les élus... Vous avez des mesures disciplinaires en interne si non, vous faites non, grève? Non, non, là-dessus, pour l'instant, la dernière grève de jeudi, j'avais le droit de poser 4 heures de RTT. J'avais 4 heures de grève et 4 heures de RTT. Donc ça va, on arrive à s'arranger. Donc tu continues? Comment? Tu continues jusqu'au retrait, voilà. Okay. Merci Cyril, bonne manif. Merci.